Oui, le problème, c'est qu'effectivement, on est toujours dans le langage. Hein. On est des êtres de langage, on ne peut pas en sortir. Hein. Et je peux même Benveniste avait une position même un peu scandaleuse pour les sociologues, qui était de dire, bah, la société, elle est dans le langage. Alors que nous, on aurait plutôt envie, en sociologue, de dire que le langage est dans la société. Bon, je crois qu'on ne peut pas s'en sortir. Cette question-là est une question qui nous traverse, mais il y a quand même des moyens de s'en sortir. Je suis effectivement assez sensible au fait qu'on critique un petit peu les notions. Et sur le temps, il y a 70 ans déjà, un anthropologue linguiste, Worf, avait montré que les langues, certaines langues indiennes, Hopi en particulier, ne possédaient pas de catégories grammatiques, catégories verbales et des catégories grammaticales pour désigner le temps. Là, je suis précis dans les mots. Hein. Mais tout de suite, enfin, lui ou Sapir ajoutait, oui, mais dans le discours, on peut. Chaque locuteur peut se situer dans un avant, dans un présent, dans un après. Il peut construire quelque chose qui ressemble à une temporalité. Et donc ça, c'est important. Je retiens aussi l'idée dans la culture chinoise que le temps, je ne dis pas la notion du temps, mais la catégorie du temps n'existe pas. Je ne sais pas. Hein. Alors là, je trouve que c'est une idée intéressante, parce qu'effectivement, il faudrait peut-être réfléchir sur les langues qui possèdent la catégorie de temps, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la notion, hein, ou ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas construire par le discours quelque chose qui ressemble à ce que nous, on pourrait appeler le temps. Encore que le mot temps illustre bien cet aphorisme très bien connu de Culiol qui dit que la compréhension est un cas particulier du malentendu. Et ça, ça reste toujours très important. Alors du coup, je renvoie la question maintenant du côté de la physique. En me demandant qu'est-ce que c'est que le temps? Est-ce que c'est une catégorie de pensée, hein, en physique? C'est peut-être une question stupide, au pire, ou une question naïve, au mieux. Ou est-ce qu'on y réfère quand même à un certain type de matérialité? J'ai cru comprendre que c'est pas un certain type de matérialité. De même, on pourrait renvoyer la même question vers l'espace. Et donc, en physique, est-ce que c'est une catégorie de pensée, en quelque sorte, et que finalement, si on veut vraiment la dépouiller de tous les aspects lourds que charrie le mot temps dans la vie quotidienne et la conversation quotidienne, ça ne se réduirait pas à T, T0, T plus 1, T moins 1, quelque chose de ce genre-là. Je ne sais pas, hein, je ne suis pas du tout physicien, c'est très loin derrière moi, mais je trouve ça passionnant.